Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler avec notre ami Marc Griffin de baseball. Salut Marc. Salut Dan. Marc, évidemment, moi je veux te parler des Rays de Tampa Bay. Les Rays de Tampa Bay, encore une fois, on pensait qu'avec toutes les transactions encore cette année, qu'il allait, ça allait être une lutte quasiment pour la dernière place. Mais force est d'admettre que le système des filiales va très très bien. Quand on le fait d'ailleurs, LMB Network ou LMB Pipeline est classé au quatrième rang encore cette année, comme ouais. Réseau des filiales. Kevin Cash, on disait que lorsque Joe Maddon avait été à Chicago, on disait que c'était quasiment la fin des Rays. On compare un petit peu avec Philippe Alou. Hein, c'était le Philippe Alou des Rays à Tampa Bay. Mais Kevin Cash fait tout un travail. Il y a des joueurs, je regarde ça l'alignement. Là. C'est sûr que Blake Snell s'en va vers un Cy Young, mais jamais, jamais, jamais on aurait pensé que Blake Snell, au début de saison, serait un sérieux candidat au Cy Young. Il y a des joueurs que, écoute, là, C.J. Cron. Après ça, t'as Joey Wendell, Matt Duffy. Il y a plein de joueurs que jamais, jamais on aurait pensé. Là. Tu demandes au monde de nommer 5-3 joueurs des Rays, mais on a de la misère. Bon, écoute, ça, là, c'est le fruit d'un bon système. Je ne vous dis pas je vous dis pas que c'est le money ball. Je sais pas, on est rendu à combien, là, 2.0, 3.0. Ouais. Là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une équipe qui n'a pas le choix, un peu comme les A's de l'époque, et même les A's d'aujourd'hui, là, mais ouais. C'est une équipe qui n'a pas le choix d'être créatif. Il faut trouver des solutions parce que on peut pas rivaliser avec les marchés qui ont beaucoup de sous et qui peuvent engager à peu près qui ils veulent. Donc, on se fie sur quoi? On se fie sur le réseau de filiales, on se fie sur les nouvelles données aujourd'hui, on se fie, tu sais, regarde, là, ils ont osé cette année, là. Oui, ils ont Blake Snell. Mais après ça, là, ils ont poursuivi leur fameux système où on commence avec un releveur, puis il lance une manche, deux manches, on arrive avec un autre releveur, deux manches. Et ça fonctionne. Puis pour avoir parlé à bien des gars dans le baseball, là, c'est extrêmement frustrant pour un frappeur. Tu sais, le frappeur, là, il arrive, lui, puis il a une mauvaise présence contre le partant, mais il sait qu'il va l'affronter au moins une autre fois, puis peut-être même deux autres fois, puis il va pouvoir s'ajuster, puis trouver. Mais là, t'es toujours au bâton contre un lanceur différent. C'est fatigant, c'est plate. Alors, ils ont compris ça, ils l'ont essayé. Ils exploitent leurs joueurs de la meilleure façon possible. On n'hésite pas à faire tout ce de manière de gagner de joueurs. Je regarde la formation, c'est jamais la même formation. Et ce qui est plus impressionnant, c'est que les gars embarquent dans le système. Tu sais, des fois, là, quand t'as des systèmes qui sont un peu hors de l'ordinaire, on a toujours 3-4 qui disent écoute, là, moi, là, c'est pas le même que j'ai appris. Mais c'est pas comme ça, les gars, les Rays en partent dans le système. Même les nouveaux venus, tu sais, as parlé d'une couple de noms, mais Pam qui arrive des Cards de Saint-Louis, un peu déçu de la bang, tu sais, un bon fit dans l'équipe, frappe bien, joue bien. Fait que tu sais, c'est. Moi j'aime ça. Moi je trouve que c'est très intéressant de voir une chose de même. La masse salariale, n'importe peu. Une des bonnes équipes, tu ne peux pas affronter les Rays. Bon, ça fait toujours un tour, il a parlé de Blue Jays hier soir, là, mais ça reste une très, très, très bonne organisation. Je vais dire une chose, si jamais les astres s'alignent et que les Rays déménagent à Montréal un jour, on va avoir déjà toute une organisation entre les mains. Ouais. Moi, je changerai pas beaucoup de personnel baseball là-dedans. Là. Non, faut pas non plus. Là. Puis on va savoir bientôt. Hein. J'ai l'impression que le 31 décembre 2018, on va savoir ce qui s'en a. Parce que Marc, t'as sorti quelque chose cet été et tu n'as parlé encore. Tu n'as parlé lundi dans ton podcast. Les Rays ont donc 10 millions de masse salariale engagée, là. Ça veut dire beaucoup, seulement, ça. Ouais. Puis non seulement ça, c'est sur un joueur, c'est sur Kevin Kiermaier qui a à peu près 8 millions, l'autre 2 millions, évidemment, c'est d'Evan Longoria qui n'est même plus là. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui va se passer. C'est clair qu'on peut pas réaliser ça de même. Évidemment, il y a beaucoup de joueurs qui deviennent des joueurs autonomes ou admissibles à l'arbitrage. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir... Mais ça reste que... on a rarement vu ça là, avec... aussi peu d'argent garanti pour une saison suivante. et malgré 85 victoires, avec encore une dizaine de matchs à jouer. Alors, vraiment, on parle beaucoup des A's et pour cause comme équipe surprise dans le baseball majeur, parce qu'ils vont probablement faire le match des équipes repées. OK. Donc, juste derrière, ce sont les Rays. Ça va être très, très intéressant. Puis si les Rays seraient dans d'autres divisions, écoute, ça, c'est un autre facteur. Ils jouent dans des divisions contre les Red Sox puis les Red Sox puis les Yankees. C'est vrai que t'as les Orioles qui sont très méchants, qui sont très mauvais, là, mais quand même, tu sais, c'est... Ah là, mais quand même, ben non, ouais. Absolument. Tu sais, je veux dire, rien enlever aux Indiens Cleveland, ouais. Qui ont la même fiche en passant que les Rays. Ouais, mais les Indiens, regarde à la section dans laquelle ils se retrouvent, tu joues 19 matchs contre des équipes de ta propre division. Fait que oui, tu joues 19 matchs contre les Orioles, et tu t'en tapes 19 contre les Red Sox, puis 19 contre les Yankees. Alors, moi, je pense que dans la division des Rays, ça a été d'ailleurs probablement un défi plus grand que les Indiens. Alors, rien enlever aux Indiens, ils méritent leur première place. Mais les Rays seraient très fatigués en séries éliminatoires. Ça, j'en serais convaincu. Effectivement. On va se parler maintenant du prochain gérant des Blue Jays de Toronto. Il y a plusieurs noms qui vont commencer à circuler. De toute évidence, John Gibbons ne sera pas de retour. Ça va être confirmé dans 10 jours. Et tu as parlé de Stubby Glatt, qui est le gérant des Red Bears de Memphis. Stubby Glatt, qui est un Canadien. Donc, tu penses que sérieusement que ça pourrait être un candidat intéressant? Ben écoute, c'est sûr que si Alex Antopoulos est à la barre de l'équipe encore, je te dirais que d'après moi, ça peut être un sérieux candidat. Évidemment, j'ai toujours eu beaucoup d'ennuis à lire où s'en va cette nouvelle direction-là. Et pas qu'ils savent pas où ils s'en vont, parce que je pense que les Jays vont avoir une très bonne équipe sous peu. Là, peut-être pas encore l'année prochaine, mais dans 2 ans. Mais ça reste difficile de savoir, bon, on s'en va où avec ça. Mais moi, ce que Stubby Glatt, j'aime beaucoup. Un, c'est un joueur il a joué, là, mais c'est un Canadien. Beaucoup de succès dans les rangs mineurs. Il a fait ses classes. Il est là. Il va dans les mineurs. Il est présentement, évidemment, dans le réseau de filiales des Cards de Saint-Louis. Là, ce que je cherche, les plus beaux gérants. Il n'y a pas de coupe d'année, sinon 2-3 ans. Il est peut-être prêt à faire le saut. Autant de père, Marc. Alors, ça fait des choses bien, bien, bien, bien intéressantes. Là. OK. Donc, Stubby Glatt pourrait être un candidat. On parle également de Bobby Mitchum, qui est l'instructeur et gérant des Bisons de Buffalo. Et un autre également, que je suis sur Jay's Journal actuellement, John Schneider. Mais ça, je trouverais ça très haut comme saut. John Schneider, qui est gérant des Fisher Cats de New Hampshire. Tu sais, on connaît une grosse année, mais à partir du 2 au majeur, ça me semble que ce saut serait énorme, non? Bon, écoute, oui et non. Oui et non, dans le sens que ça peut devenir quelque chose d'intéressant. Mais une chose est sûre, c'est que ça te prend quelqu'un de dynamique avec les jeunes, parce que là, tu vas avoir une jeune équipe que tu vas vouloir transporter à un autre niveau. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a été apprécié, qui a développé, qui a su amener une jeune équipe à un autre niveau? Tu sais, ce sont ces critères-là, selon moi, que tu vas prendre. C'est pas une équipe de vétérans là que ce nouveau gérant-là va acquérir. Là. C'est des jeunes qu'on va vouloir exploiter et qu'on veut que d'ici un an ou deux, on soit une force dans la division S de la Ligue américaine. Et moi, il y a un gars que j'aimerais avoir une chance. Ce soit pas lui, là, c'est pratiquement certain, mais Tim Wallach, j'aimerais ça qu'il ait sa chance. Si Alex aurait été gérant directeur général des Blue Jays, ça aurait pu être un candidat intéressant à Wallach. Là. Ben oui, t'as raison. Moi puis j'ai longtemps nommé le nom de Wallach aussi. Par contre, je me dis, bon, il a eu l'occasion quand même. Il a fait plusieurs entrevues au fil des années, puis jamais il n'a été sélectionné. J'aurais aimé ça savoir pourquoi ce gars-là finit toujours deuxième. Il n'a jamais eu sa chance comme premier. Alors peut-être que lui, ses chances ont passé et qu'il a compris peut-être et qu'il devient un très, très bon second. Et on ne saura probablement jamais, Dan, à ce niveau-là. Là. OK. Puis surtout que tu t'en vas avec les Marlins de Floride, c'est rien pour augmenter ta cote, là, même si c'est pas de sa faute. Marc, je veux te. On disait en début d'année, les Yankees, ça va être incroyable, la force de frappe. On voyait Giancarlo Stanton, on voyait Aaron Judge. On disait, mon Dieu, Sanchez comme receveur. On disait, ça va frapper, ça va être l'enfer. Oui, ça a frappé, mais ça n'a pas frappé comme on s'en attendait. Judge a été blessé. Stanton est plus ou moins une déception jusqu'à maintenant. Mais ça a frappé. Pourquoi je dis ça? Parce que les Yankees, hier, ont établi un record de la franchise avec 10 frappeurs, avec un record de 11 frappeurs d'au moins 10 circuits. Ouais. C'est pas 12, non, c'est 12 maintenant. Donc, Oui, c'est ça, on a rejoint un dos hier, effectivement. Ouais. Eh bien, écoute, tu sais, c'est pas tout de frapper les circuits, on va dire ça de même. Ouais, ouais. c'est bon, c'est dangereux, tu sais, je veux dire, c'est clair. Mais je trouvais qu'avec l'arrivée de Stanton, bon, on avait deux joueurs de style similaire. Rappelle-toi la discussion qu'on avait eue. Bon, Judge puis Stanton, c'est pareil. S'il y en a un qui a des ennuis, est-ce que l'autre va écoper? Est-ce que ça met un peu plus de pression sur les autres joueurs? C'est long, une saison de baseball. Moi, je pense que les Yankees, malgré tout, écoute, ils ont 93 victoires actuellement. Il reste quoi, une bonne dizaine de matchs à jouer. Ils pourraient techniquement finir avec 100 victoires. Ouais. C'est toute une saison. Ouais, là. Ouais. Le problème pour les Yankees, c'est la saison extraordinaire des Red Sox de Boston. Alors, tu sais, moi, j'avais prédit les Red Sox. Je suis content que ça arrive ici parce que j'étais convaincu que J.D. Martinez allait faire une énorme différence, ce qui a été le cas. Bon, il y a eu d'autres enjeux dans tout ça. Bon, par contre, les séries qui commencent demain matin, une série 3-5 entre les Yankees et les Red Sox, tu prends pour qui? Moi, c'est drôle, je vais dire, Marc, j'aime pas ce que je vois des Red Sox. Oui, ils ont un gros record. Par contre, ils n'ont pas connu une grosse... ils n'ont pas connu ça, à part un petit passage à vide. Puis deuxièmement, Marc, quand tu gagnes le championnat une semaine après, une semaine ou 10 jours avant le début des séries, ben, il semble que ça doit être dur comme à remettre la switch à one après. Ouais, ben écoute, probable, peut-être, t'as raison. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est la relève, là. C'est la relève de 6, 7, 8e manche, parce que, outre David Price, tu sais, je veux dire, même Chris Sale m'inquiète un peu dans le sens qu'il va-t-il être en mesure, avec deux départs, de bâtir son bras suffisamment pour lancer un 6, 7 manches en série par départ. Je suis moins convaincu de ça. Qui va lancer la 6, la 7, la 8e manche? J'ai pas de problème avec Kimbrough en fin de rencontre. Ouais. Moi, c'est le maillon faible. Si l'attaque poursuit, par contre, bon, ça peut compenser. Mais je peux pas dire aujourd'hui que c'est absolument les Red Sox vont l'emporter dans une série de 3-5 contre les Yankees, par exemple. Parce que sinon, ça va aller à la limite. Puis quand tu vois une série va à la limite, c'est parce que tu n'es pas sûr de savoir qui va gagner. Non, c'est sûr. Puis tu as raison quand tu dis ça. Puis on sait qu'en série de championnat et en série mondiale, c'est souvent la relève qui gagne. On l'a vu, parlez-en à Andrew Miller. Comment qu'il s'est rendu célèbre? Ben, exactement. Ben, tu sais, parce que là, une série 3-5, tu peux pas être patient avec ton partant, là. Tu sais, si ton partant l'arrache un peu, là, ben, maman, écoute, j'ai pas la patience de le laisser là. Je peux pas avoir un écart de 4-5 points. Fait que là, tu l'enlèves, t'abuses un peu de ta relève. Moi, c'est le maillon qui est un peu faible. Tandis que les Yankees, avec le retour de Chapman, ben, tu comprendras que la relève est quand même assez solide, là, pour amorcer les séries. Alors, écoute, ça va être le fun de regarder. Okay, dernier point, je veux t'emmener, Marc. T'as parlé dans ton podcast cette semaine. C'est Otani qui pourrait être releveur, qui pourrait être transformé comme releveur. Écoute, là, j'ai pas trouvé ça bête comme idée. Par contre, il y a une mentalité de releveur. Est-ce que ce gars-là a la mentalité de releveur? C'est pas tout, là. Oui, c'est vrai, tu parlais que 25-30 lancés par match, c'est différent, c'est moins taxant pour le bras. Par contre, est-ce qu'il a la mentalité d'être un releveur? Ça, c'est une autre chose, ça. Ah, ben, absolument. Puis, tu sais, faut... Bon, je ne connais pas assez Otani pour te dire que il a cette mentalité-là. C'est sûr que physiquement, ça peut être un aspect intéressant compte tenu de son état de santé, là, de son coude. Mm. Mais c'est un très bon point que tu soulignes. C'est pas fait pour tout le monde de lancer cette 9e manche-là. Puis l'autre aspect, c'est que si tu le mets en relève, ben est-ce que tu le fais vraiment jouer? Parce que là, physiquement, il y a quand même un aspect là, de jouer, de frapper. Est-ce qu'il peut quand même lancer la 9e, même si tu as frappé le reste du match? Il y a beaucoup de questions sans réponse dans ce cas-ci, mais ça reste quand même une option qui pourrait quand même être pas validée, mais certainement à évaluer si jamais Otani opte pour ne pas subir l'opération de type Tommy John comme Tanaka a décidé de le faire avec les Yankees. Effectivement. Et malgré tout, a connu un certain succès. OK. Marc, on se reparle dans quelques semaines. Un plaisir. Collaborateur Marc.